Fadjet, c'est l'été en Lorraine. Le Jardin du Michel aura bien lieu cette année avec une limited edition les 3, 4 et 5 septembre. Mais cet été, Michel vous invite et nous invite au Jardin de l'Hôtel de Ville de Toul les samedis 24 juillet et 7 août. Marilyn, bonjour. Bonjour. Marilyn, tu es chargée de communication pour le JDM, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Eh bien, on va parler du JDM, du Jardin du Michel, qui est attendu par beaucoup de monde, j'imagine, cette année. Oui, et même aussi par l'équipe, parce que ça fait plus de 2 ans que nous n'avons pas retrouvé nos festivaliers, nos bénévoles, nos partenaires, nos prestataires. Donc on n'a qu'une hâte, c'est de fêter ces retrouvailles. Bon, on va parler bien sûr de ce qui va se passer les 3, 4, 5 septembre. Mais avant ça, c'est 2 dates de concerts cet été, des concerts gratuits à Toul. Tout à fait. La cathédrale de Toul fête ses 800 ans et la ville de Toul a décidé de célébrer cet événement en organisant plein de petits événements sur la ville. Ils nous ont proposé de participer à ce projet et l'équipe du Michel a tout de suite adhéré à l'idée et on s'est greffé à cet événement en proposant 2 soirées-concerts, comme tu as dit, le 24 juillet et le 7 août. Donc ça se passe dans le jardin de l'Hôtel de Ville de Toul. Un coup d'œil sur la programmation. On va commencer avec le 24 juillet, qui on va retrouver? Pour les 2 jours, c'est une programmation 100% locale. On a voulu mettre à l'honneur les groupes locaux du département. Donc le samedi 24 juillet, on retrouvera Alambig, qui est un groupe de World Fusion, Nedi, qui est plutôt orienté pop chanson, et Soul Funk Factory, qui, comme son nom l'indique, propose de la funk. Les concerts, ils commencent à quelle heure? 18h, c'est l'ouverture des portes, et les concerts commencent à 19h30. Ce sont donc des concerts totalement gratuits, il n'y a pas de réservation possible avant? Non, c'est gratuit, mais les places restent limitées à cause de la situation sanitaire. Donc, si vous voulez venir, on vous conseille vivement de venir assez tôt. Effectivement. On a vu la date du 24 juillet. Un coup d'œil maintenant sur celle du 7 août, qui on va retrouver? Alors, ça va être une soirée un petit peu plus typée rock, avec un groupe qui s'appelle All and the Bebops, qui est du rockabilly. April 5, qui est de la pop folk, et Rosen, qui est un groupe de rock. Voilà, effectivement, plus teinté rock pour cette soirée du 7 août dans le jardin de l'Hôtel de Ville de Toul. Donc voilà, ces 2 dates de concert qui mettent en appétit aussi pour le rendez-vous, le grand rendez-vous de début septembre, cette édition limitée du jardin du Michel, les 3, 4 et 5 septembre. La programmation, elle est bouclée pour cette année? Oui, elle est bouclée. On l'a annoncée mi-juin, donc on vous invite à aller voir notre site internet pour la découvrir si vous ne l'avez pas encore découvert. Je peux déjà vous donner quelques noms comme oui. Naman, 47 Terres, le Nancéen Kikessa. On retourne un petit peu aux sources du fond du jardin avec Trio, La Rue qui est à nous. On aura du rock cette année avec Last Train, Bandit Bandit. On vous invite à aller sur notre site pour découvrir toute cette belle programmation. Donc le site c'est jardin-du-michel.fr, on retrouve très facilement sur le net. Quelle forme va avoir le festival sur place? Plusieurs scènes? Oui, donc la forme ne va pas énormément changer par rapport à d'habitude, on reste sur le même site. Et juste au niveau des scènes, il y a un petit changement, il n'y aura pas la scène d'eau, on aura une nouvelle scène qu'on a appelée le Corner, qui sera un lieu de dance floor sur le site du festival. Il y aura aussi quelques animations le dimanche. Et à savoir que le vendredi et le samedi, ce sont les DJ du collectif de la Ventrie qui animeront cet espace. Donc il y aura plein d'artistes nancéens sur place. Pour réserver sa place, c'est déjà possible? Il y aura un camping aussi sur place comme les autres années? Tout à fait. Donc vous pouvez déjà réserver vos places. Et cette année, exceptionnellement, c'est uniquement sur notre site internet. On ne peut que vous conseiller de vous dépêcher parce que qui dit limited edition dit jauge réduite. Donc on a beaucoup moins de places qu'à notre habitude. La jauge est limitée à 3000 personnes par soir. Donc on vous invite vraiment à vous dépêcher si vous ne voulez pas louper le coche. Et on aura bien un camping également qui sera aussi en jauge limitée. Donc qu'est-ce qu'on peut dire aux festivaliers pour cette année? On les attend? Bah oui, avec impatience. On n'a qu'une hâte, c'est vous retrouver. Merci Marilyn. Merci à toi pour ce moment.